Join me on RIG. Oh, la partie, c'est un toujours de l'exo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Thierry Gallet, j'espère que vous allez bien. Nous sommes exceptionnellement le mercredi 8 décembre 2021. Alors, j'ai appris en écoutant la radio qu'aujourd'hui, on fêtait les 50 ans de La Grande Vadrouille ou le, je ne sais plus lequel, un des films avec de Funès. Un peu plus de 50 ans pour La Grande Vadrouille et puis l'autre. Qu'aujourd'hui sort le film Les Tuches, par exemple. Mais il y a quand même beaucoup plus important que ça. Aujourd'hui, ça fait 41 ans que John Lennon a été assassiné par une immonde créature et qu'il nous a quittés à l'âge de 40 ans. 40 ans, alors quand moi j'avais 16 ans, ça me paraissait être âgé, sans être trop vieux, mais âgé. Maintenant que j'en ai 57, ça me paraît très jeune, 40 ans. Mais il avait encore beaucoup de choses à vivre. D'ailleurs, j'avais entendu une interview de lui qui disait « Je me sens bien, je pense que j'ai toute la vie devant moi et mes démons sont loin, donc tout va bien. » Et une réunion des Beatles, peut-être, ça pourra peut-être se faire. Ou alors, si ça se fait pas, on travaillera sur un album de l'un, sur un album de l'autre, je sais pas. On verra, tout est possible. Voilà, il croyait en 1980 que tout lui était possible et malheureusement ça a été coupé net. Alors, pour fêter ça, c'est exagéré de dire fêter ça, mais pour rendre hommage, c'est mieux, à John Lennon, pourquoi pas un 100% John Lennon ce soir, avec les Beatles forcément, et en solo, et également, il y aura ses potes, McCartney, Harrison et Ringo Starr, qui chanteront une chanson composée par John Lennon. Oui, une ou plusieurs chansons composées par John Lennon. Donc, ça, ce sera au cours de la soirée, je ne vous dis rien, je vous laisse tout découvrir. J'ai eu envie au départ de vous faire la saga complètement décomposée, c'est-à-dire on aurait pioché comme d'habitude dans toutes les années, pas chronologiquement du tout. Et puis finalement, pourquoi pas le faire de manière chronologique, du premier album des Beatles jusqu'au dernier album de John Lennon. C'est ce que j'ai fait et j'espère que ça vous plaira. 31 chansons sont programmées. On est ensemble jusqu'à 22h. La saga commence. Rejoignez-nous sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four et parlez-en autour de vous. La Saga des Fab Four, c'est la numéro 514, c'est seulement sur RIG 90.7 et www.rigfm.fr. Je vous souhaite une très très bonne soirée. On commence avec un premier titre dans lequel John Lennon hurle Twist and Shout sur le premier album des Beatles. You got me. John Winston Lennon, plus tard Winston Ono Lennon, est né le 9 octobre 1940 à Liverpool et est mort, je l'ai dit, assassiné le 8 décembre 1980 à New York. C'est un auteur, compositeur, interprète, guitariste, multi-instrumentiste, écrivain et militant pacifiste britannique. Il est le fondateur des Beatles, groupe musical anglais au succès planétaire depuis sa formation au début des années 60. Au sein des Beatles, il forme avec Paul McCartney l'un des tandems d'auteurs-compositeurs le plus influent et prolifique de l'histoire du rock, donnant naissance à plus de 200 chansons. Adolescent, influencé par ses idoles américaines du rock'n'roll, il est emporté par la vague de musique skiffle qui séduit à Liverpool et fonde au début de l'année 57 le groupe des Quarrymen, qui évolue pour devenir avec McCartney, Harrison et Starr les Beatles. Des premiers albums Please Please Me en 63 à Let It Be en 1970, les Beatles deviennent un des plus grands phénomènes de l'histoire de l'industrie discographique, introduisant de nombreuses innovations musicales et mélangeant les genres et les influences avec une audace et une sophistication jusqu'alors inédites. Lennon occupe une place centrale dans cette réussite populaire, au moins jusqu'en 1966, critique et commerciale, composant des œuvres majeures pour le groupe et la dissension entre les musiciens, en particulier Lennon-McCartney, mettront fin à l'aventure en 1970, je rajoute George Harrison, qui estimait ne pas avoir assez de place, seul Ringo Starr, lui, aurait bien continué. Donc, fin des Beatles, seulement 8 ans après leur début, le début c'est Love Me Do en octobre 1962 et la fin en 1970. Lorsque les Beatles se séparèrent, Lennon se consacra à sa carrière solo, épaulé et inspiré par son épouse Yoko Ono. Ça je veux bien, artiste que je mets entre guillemets japonaise d'avant-garde. Yoko et John forment, et ça je le conviens, l'un des couples les plus médiatisés au monde, aussi bien pour l'art que pour leur engagement politique. Ils créent le Plastic Ono Band, groupe à géométrie variable, où ils sont accompagnés d'amis sur scène et en studio. En 71, John Lennon compose l'une de ses chansons les plus emblématiques, Imagine, de l'album du même nom, qui est également son plus grand succès commercial en solo. Lennon se retire de toute activité publique en 75 pour s'occuper de son fils nouveau-né Sean, puis reprend sa carrière en 1980, quelques semaines avant d'être assassiné par un certain Chapman, un fanatique atteint de troubles psychologiques, ce qui ne l'excuse en rien, devant sa résidence du Dakota Building à New York. Outre sa musique, Lennon est également célèbre pour ses nombreuses prises de position, notamment pacifistes, à partir de la fin des années 60. Ses activités et son engagement, notamment contre la guerre du Vietnam, lui valurent des ennuis particuliers avec le gouvernement des États-Unis qui tente de l'expulser. Personnalité complexe, il fait preuve d'un humour acerbe, teinté d'absurde et de non-sens, et se démarque également par son caractère parfois violent et conflictuel, en contradiction avec son image de représentant de l'idéal pacifiste. Il montre ses talents dans les domaines de la peinture et de l'écriture, joue dans quelques films et réalise des courts-métrages expérimentaux qui sont, pour les trois quarts, complètement nuls. Ça, c'est mon opinion personnelle, j'en ai vu. Longtemps après sa mort, il reste l'un des artistes les plus populaires du XXe siècle. Il a vendu plus de 72 millions de disques en équivalent album et incarne le mouvement pacifiste Peace and Love des années 60 et 70. Un rassemblement à sa mémoire continue d'avoir lieu à New York chaque 8 décembre, jour de sa mort, et plusieurs mémoriaux ont été érigés en son honneur de par le monde. L'aéroport de Liverpool porte son nom depuis 2002. like I know I should. You're coming home, you're coming home, Joe. Every day we'll be happy, I know. Now I know that you won't leave me no more. It won't be long, yeah, yeah, yeah, yeah. It won't be long, yeah, yeah, yeah, yeah. It won't be long, yeah, yeah, yeah, yeah. Chanson originale sur les années, enfin l'année 1963. Twist and Shout, c'est une reprise. It Won't Be Long, c'est une chanson originale. Et Money, That's What I Want, qui est toujours valable en 2021, c'est une reprise également. Deux sur l'album With the Beatles, les deux dernières. Et la première sur l'album Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs. On passe à l'année 64. Quelle belle année. Pardon, j'ai essayé d'ôter le chat que j'ai dans la gorge. Quelle belle année que cette année 1964, avec trois titres, deux de Beatles for Sale et un de A Hard Day's Night. Il y a I'm a Loser, Rock and Roll Music et A Hard Day's Night sur RIG. I'm a loser, I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser. What I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like

I'll open up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Depuis 1964, outre deux albums dans l'année, puis des 45 tours dans lesquels ne figurent pas des chansons qui se retrouveront sur l'album, les Beatles ont commencé à faire des films. Hard Day's Night, qui a vachement bien marché, et puis Help, à l'instant, et le film Help, donc en plus des tournées, hein, bien entendu. Et donc un nouveau film, Help. La nouveauté sur cet album-là, justement, c'est que les chœurs précèdent le chanteur. C'est les chœurs qui disent d'abord ce que va dire le chanteur. Ça ne se faisait pas à l'époque. C'est toujours des idées, des innovations, des manières de continuer à progresser. Et ils continueront à progresser, et notamment en harmonie vocale. Quelle beauté que cette chanson, quelle voix, diraient certains, sur l'album Rubber Soul, la chanson un an après, en 1965, et la chanson Nowhere Man sur RIG. Sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. Vous imaginez le crève-cœur que j'ai eu à essayer de limiter mon choix à une chanson par album, voire deux chansons, parce qu'il fallait essayer de rendre hommage à John Lennon, mais couvrir deux heures. Donc il ne fallait pas que tout soit dans les Beatles, ni que tout soit en post-Beatles. J'ai essayé de faire un mix assez difficile, parce que elles sont toutes bonnes, ces chansons-là, et vous avez entendu la progression. 3 ans séparent le She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah, de 1963, à ce que vous venez d'entendre à l'instant, la chanson qui s'appelle Tomorrow Never Knows. C'est même pas 3 ans, c'est sur... c'est 3 ans, sur l'album Revolver. Donc c'est impressionnant, vraiment très très impressionnant. J'ai failli dire même pas, parce que sur ma fiche, il y a marqué Robert Soul, alors que c'est pas de Robert Soul, c'est de Revolver. Sans doute que j'ai dû changer quelque chose à ce moment-là et j'ai oublié de changer le titre. Mais je me rends compte que l'album ne correspond pas, c'est pas bon. Je vais corriger ça de suite si vous voulez bien. Nous sommes maintenant en 1967 et voici, par rapport à ce que j'entends quelquefois, vous allez dire que je suis un vieux, mais oui, c'est normal. Mais j'ai écouté un collègue d'une vingtaine d'années qui écoutait son rap ou son truc comme ça, et les gens parlaient de choses très désagréables, de fucking machin et tout ça. Alors que en 1967, le message principal des Beatles, c'est ça. All you need is love, sur RIG. On rend hommage à John Lennon. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.

fois, je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? Titre le plus long de la discographie des Beatles, Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey sur l'album blanc. J'espère que tout se passe bien pour vous ici. Ben moi je me régale. Je me régale avec autant de chansons des Beatles à la suite, avec un spécial Lennon qui se passe bien, puisque qu'est-ce que c'est bien d'écouter du Lennon aussi, hein, même si Paul nous manque, mais on l'aura tout à l'heure un petit peu. Nous sommes arrivés en 1969. Avec deux chansons, deux grandes chansons de John Lennon pour presque terminer l'expérience des Beatles. Voici d'abord « I Want You, She's So Heavy ». Extrêmement simple, mais avec un climat absolument génial. Driving in my day. she's so. Vous avez remarqué que depuis le début, je ne donne quasiment pas les titres. Mais, et pour cause, elles sont toutes très très connues. Oui, tu as fait du bruit que c'est entendu à l'antenne, Eric. Mais c'est pas grave, c'est toi. On sait que tu es là maintenant. Et donc, je ne donne pas les noms des chansons parce que vous les connaissez. Elles sont toutes plus formidables les unes que les autres. Et surtout, c'est une spéciale John Lennon. Et John Lennon méritait qu'on passe un maximum de chansons des Beatles. Il y a 17 chansons de programmées. On continue, on a bientôt terminé. Voici The Ballad of John and Yoko qui enfonçait le clou. En 1966, John disait « Nous sommes plus célèbres que Jésus-Christ ». En 1969, il dit « Jésus, à la façon dont vont les choses, ils vont me crucifier ». N'hésitez pas à rajouter une couche, John. Vous avez entendu que Eric est déjà présent dans le studio de la radio. Et donc, dans un peu moins d'une heure, ce sera Johnny de A à Z. Et ça va être, encore une fois, passionnant. Restez à l'écoute sur RIG. Another song, right, okay, George. About, what have you got up your sleeve, John? What about Don't Let Me Down? Yeah, that's a bloody good one. Don't Let Me Down Blues. Again. Don't let me down the road again, blues. Short, fat, fanny, you're my desire. Come on, boys. Come on. Zap okay. Monthly. George, come on. One, two, three. More. She does. Oh, she does. does. And if somebody loved me like she do me, oh, she do me, yes, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love will last forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Preston aussi au clavier Don't Let Me Down à l'instant et qui clôt la période Beatles de John Lennon. Maintenant, je vous propose trois chansons chantées par leurs collègues, enfin les collègues de, les frères même de John Lennon. La première, c'est Paul McCartney en 1990, pendant la tournée 89-90. Lorsqu'il est arrivé à Liverpool, c'était la dernière soirée, il me semble. Il a voulu rendre hommage à John Lennon avec un medley qu'il n'a jamais refait, malheureusement, mais qui est absolument superbe, avec la version lente de Help. À vous d'entendre ça, si vous ne connaissez pas. Thank you. Thanks a lot. Woo! Still enjoying yourselves? Okay, I tell you what. We've learned up a little special thing, especially for Liverpool here. And maybe you're going to help us out with it and sing along with it if you know the words. This is just a little tribute to someone we love dearly. I'm going McCartney poussé à refaire un tour, comme on dit, parce que c'est le public qui l'exigeait en chantant. C'est un merveilleux moment que j'ai trouvé sur le CD All My Trials. En 1974, George Harrison a essayé lui aussi de rendre hommage à son pote avec une tournée relativement ratée, mais il a une version bien à lui de In My Life. La voici. Le son n'est pas très très bon, mais c'est quand même curieux de la part de George Harrison. fin, il dit quand même, hein, John, Paul et Ringo, donc lui manquait déjà. Ringo Starr, j'aurais pu vous passer Give Peace a Chance, puisqu'il le chante en concert, mais c'était trop facile, j'ai voulu vous proposer une autre chanson en studio, celle-là. Celle qui a fait qu'en 2019, sur l'album What's My Name, il a repris cette chanson. On lui a dit et on lui a montré une petite lettre dans laquelle John Lennon disait « Je verrai bien cette chanson-là chantée par Ringo ». Et donc, il a convoqué Paul McCartney. Et pour rendre hommage à George Harrison, en 2019, il a mis un petit riff, à vous de le trouver, qui donne une référence à George Harrison. Voici « Grow Old With Me », chanté avec tout son cœur par Ringo Starr, en hommage à John Lennon. Un instant sur RG dans la saga des Fab Four. Il est temps pour nous de faire un deuxième message, un appel aux dons, s'il vous plaît. Votre radio locale RG a le don d'émettre depuis 40 ans. Mais aujourd'hui, pour continuer ses émissions, RG a besoin de vos dons. Suite à une panne technique, les antennes doivent rapidement être remplacées. RG est une radio associative non commerciale. Un appel aux dons est lancé pour nous aider à financer cette opération indispensable pour continuer à diffuser. Si vous souhaitez participer et aider RIG à exister, merci de nous contacter par mail. Direction@rigfm.fr. Direction@rigfm.fr. ma grande fierté, c'est qu'une bonne partie des dons, nous ne sommes pas les meilleurs, voilà, mais quand même, une bonne partie des dons viennent de la saga des Fab Four, enfin des auditeurs de la saga des Fab Four, et là, je vous en remercie humblement. Jeu de batterie de Ringo en 1970 sur l'album Plastic Ono Band. Zut, j'ai sauté une chanson, il va falloir que je recule un peu, bougez pas. Ouais. Some rock and roll. Qui a sauté tout à l'heure, c'était Jealous Guy. Donc on faisait de les chansons dans l'ordre, et bien pour une fois il y aura une inversion. Nous revenons en 1971, car celle-là, il fallait la passer. I began to lose control. Nous passons en 1974 et le rêve numéro 9 sur l'album Walls and Bridges avec le fameux Ah, Bawakawa, poussez, poussez. Vous êtes sur RIG, dans quelques minutes, ce sera Eric avec son invité. Ils sont en train de parler là, je pense qu'ils ne se rendent pas compte que je suis là. Mais c'est pas grave, je ne leur en veux pas. Le dernier disque, enfin le dernier disque de John Lennon, Eric, rassure-toi, ça n'est pas encore l'heure. C'est en 1975 qu'il fait une reprise. Au départ, la première fois que je l'ai entendu, je pensais que c'était de John Lennon. Bah oui, en 1975, j'avais 11 ans, je ne savais pas. Voici Stand By Me sur RIG dans la saga des Fab Four. 1980, il se sentait bien, John Lennon. Il pensait qu'il avait la vie devant lui. Il commence son album en disant « C'est just like starting over ». Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. Chanson fétiche, l'une des plus belles chansons de John Lennon qui s'adresse à Yoko, bien sûr, mais qui a réussi à rendre la chanson suffisamment large pour que ça nous concerne tous. Voici Woman, que je vais dédier à Alexandra Pouliot, donc comme ça, par hasard. termine cette saga des Fab Four avec Rock and Roll People, extrait de Men Love Avenue en 1986. Dans quelques minutes, ce sera Eric et son invité, mais je n'ai rien dit. C'était trop court, il aurait fallu faire un petit peu plus long. Mais bon, voilà, les biscuits, c'est ça. Merci à toutes et à tous. Et je sais que je vous laisse entre de très très bonnes mains. Ça va être vraiment très très bien. Eric, dans quelques instants sur RG pour sa fantastique émission Johnny de A à Z. Je vous souhaite une bonne écoute d'abord et une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Salut, ciao.